320. Observation. Singular and plural of definite and indefinite articles. Un professeur, des professeurs. Un étudiant, des étudiants. Une jeune fille, des jeunes filles. Une étudiante, des étudiantes. Le professeur, les professeurs. L'étudiant, les étudiants. La jeune fille, les jeunes filles. L'étudiante, les étudiantes. Des is the plural of un and une. Les is the plural of le, la and l apostrophe. Note that the s in des and les is not heard before a consonant. Des professeurs, des jeunes filles. However, the s is heard as a z before a vowel. Des étudiants, les étudiants. This z is pronounced together with the following vowel. Des étudiants, les étudiants. This is an example of liaison discussed further in lesson 4.